chapitre 24e, le corps défunt, l'âme vivante. Messiden conduisit Paulin Broquet dans la salle à manger que nous connaissons. En rentrant du cirque, Messiden soupait toujours. Le couvert était donc mis. Le souper fut servi comme de coutume par le maître d'hôtel indo-canadien. Après le souper, la gymnasiarque fit passer son convive dans une sorte de boudoir des plus coquets. « Mon fumoir, » dit-elle en souriant à Paulin Broquet, « car nous avons tous de la douce manie et le cher défaut de fumer. Voici des cigarettes de toutes sortes, toutes faites, mais vous aimez mieux les faire vous-même, au fur et à mesure. Vous avez grandement raison, c'est double plaisir. » Rouler sa cigarette, la caresser, puis la fumer. « Je fais de même. Voici le tabac, puisé. » Tout en parlant, Messiden prit une feuille de papier à bout doré, une pincée de tabac blond, et elle roula d'un geste charmant une fine cigarette. Ce geste perdait chez elle toute vulgarité et devenait un mouvement gracieux. Paulin Broquet, de même, confectionna sa cigarette. L'indo-canadien avait disposé sur une table volante une sorte de cafetière et deux tasses. « Je sais, » dit Messiden au détective, « que vous êtes un amateur de café. Le vôtre est exquis, le mien ne pourrait soutenir la comparaison. Aussi n'est-ce pas du café que je tiens vous offrir à boire? C'est une sorte de thé indien, ou plutôt une herbe de la prairie qui sert de thé aux Indiens. Ce thé est parfumé, il est reconstituant, stimulant, généreux, et il n'a pas les inconvénients du thé ou du café. Il n'énerve pas et ne vous empêchera pas tout à l'heure, en rentrant chez vous, de trouver le sommeil. » Messiden, avec la grâce infinie qu'elle mettait dans tous ses mouvements, présenta à Paulin Broquet une tasse de liquide fumant de couleur jaune verdâtre, dont l'arôme légèrement résineux rappelait quelque peu celui de la menthe poivrée. Paulin Broquet déclara ce thé délicieux. Messiden lui dit comment les Indiens récoltaient cette herbe qui pour eux était la plante sacrée, celle qu'on buvait aux grandes palabres et qu'on offrait en welcome à ceux qu'on recevait dans le campement. « Ah » soupira-t-elle, « si vous saviez quel souvenir l'arôme de ce simple breuvage fait éclore en moi. Que de joie et aussi que de peine !» Et cela l'amena à parler de la vie passionnante des prairies, des longues randonnées à cheval, du désert. « Ah » fit-elle, « c'est le bonheur, cela. Vivre sa vie sous le regard du ciel toujours bleu, être son maître, son juge, son défenseur, ne rien devoir qu'à soi, ne compter que sur soi, libre, libre, c'est le bonheur. Aspirer cet espace qui est à celui qui le boit. N'avoir dans le cerveau que la pensée d'aller plus vite, plus loin. Devant les yeux, que l'immensité toujours la même et cependant toujours nouvelle. Dans le cœur, rien. Rien de douloureux, rien que du bleu, comme s'il contenait aussi du ciel et de l'infini. » Messiden s'arrêta brusquement. Puis, sur un ton à la fois de tristesse poignante, de regret et de colère, elle reprit: mais la prairie qui semblait infinie se termine à un fossé de boue, et dans le ciel noir passe le nuage noir qui jette la grêle. » Elle abandonna le fauteuil dans lequel elle s'était assise en face de Paulin Broquet et reprit doucement: « Mais le ciel envoie la rosée, et dans la prairie pousse la fleur précieuse. » Elle alla vers une étagère et y prit une photographie que Paulin Broquet avait remarquée en entrant, et qui ici, comme dans toutes les pièces de la villa, se trouvait entourée de quelques fleurs. « Darling, » fit-elle, embrassant la jolie tête d'enfant qui souriait, « my darling, vous êtes la fleur de ma vie, et le nuage qui s'est abattu sur vous ne doit point vous empêcher de resplendir au beau soleil de ma tendresse maternelle. » Paulin Broquet entendit, il comprit. Puisque déjà plusieurs fois devant lui, Messiden avait parlé de cet enfant, il crut pouvoir sans indiscrétion intervenir. Très doucement, il demanda, « cet adorable darling n'est donc pas près de vous ?» Messiden se retourna vivement vers lui. « Non, » fit-elle. Elle reposa la photographie. « Mais vous la voyez ?» demanda Paulin Broquet. « Vous la voyez autant que vous le désirez ?»« Non, jamais. »« Jamais ?»« Oh, je n'ose vous demander si cette pauvre enfant est devenue un ange, ou si elle est encore vivante. »« Je ne sais. » Paulin Broquet, du regard seulement, questionna Messiden. « Volé, » lui répondit-elle d'une voix farouche. « Volé. » « Qui a commis cette infamie ?» Messiden secoua la tête sans vouloir dire un mot. « Qui ?» redemanda Paulin Broquet en insistant. « Celui que je ne peux nommer, » finit par déclarer Messiden. Il y eut un silence. Paulin Broquet comprit qu'il ne pouvait plus poser de nouvelles questions à Messiden sans toucher une partie douloureuse de sa vie, sans réveiller une peine toujours vive. Il attendit qu'elle voulût bien parler. Maintenant, il se doutait que Miss Eden s'était trop avancée pour ne plus rien lui dire. Mais comme il est toujours extrêmement délicat d'interroger une femme, il valait mieux que ce fût Miss Eden qui parla à son gré et révéla selon son désir ce qu'elle voulait seulement laisser connaître. Paul Imbroquet, comme il espérait, n'attendit pas longtemps. Après quelques secondes d'hésitation, Miss Eden revint prendre la place qu'elle occupait tout à l'heure. Et lentement, comme si elle lisait dans sa mémoire des lignes douloureuses, semblant pour ainsi dire épeler ses paroles, elle reprit. « Il y a 8 ans, j'étais la plus heureuse des mères. Le grand deuil de ma vie, celui qui m'a laissé là, au bras, la marque atroce et ineffaçable, s'éloignait devant ma joie de mère. Mon enfant, ma fille, ma darling, venait à merveille. Elle commençait à marcher. Elle m'appelait maman et balbutiait déjà des mots, comme un rossignol né au printemps essaye ses premières gammes enchantresses. Jalousement, je cachais mon bonheur. Plus fiévreusement qu'aucun avare ne garde son trésor, je veillais sur ce bijou d'enfant. En ses petites mains, qui savaient d'instinct les plus douces caresses, j'avais déposé le bonheur de ma vie. Un jour, ah, jour funeste, jour maudit, une torpeur étrange s'empara de moi. Je perdis la notion de l'être, de la vie, et je tombai dans une sorte de catalepsie qui engourdit mes membres, me paralysa les bras, le corps, mais me laissant cependant la lucidité du cerveau. Je voyais, j'entendais, j'avais conscience de tout, puisque de tout, hélas, j'ai gardé la mémoire épouvantable. Mais il m'était impossible de bouger, non seulement de fuir, de me défendre, mais de faire le moindre mouvement. Oh, ce fut épouvantable. Nul supplice au monde n'approcha celui qu'on m'infligea. L'Inquisition, d'effroyable mémoire, les Chinois, dans leur plus cruelle imagination de tortionnaire, n'ont rien trouvé de plus atroce. Je tenais ma fille dans mes bras, je l'embrassais, je la berçais. Tout à coup il est apparu, celui que je croyais ne plus jamais trouver sur mon chemin. « Ce misérable qui... » commença Paul Imbroquet. Miss Eden l'arrêta d'un geste. « Oui, celui que je ne peux nommer. » Elle reprit son récit douloureux. Il apparut comme toujours, beau, charmeur, avec ses yeux, sachant cacher sous leur flamme magnétique, qui semble une caresse, la plus froide, la plus implacable cruauté. À sa vue, tout mon être s'est révolté. J'ai voulu me défendre, protéger mon enfant, combattre, fuir, je ne sais, pour échapper à cet homme. Mais tout cela se passait en mon cerveau qui seul vivait, car mon corps demeurait inerte, mon corps semblait mort. « Je vous plains, » fit Paul Imbroquet, « je vous plains sincèrement, car je me rends compte de ce qu'en ce moment vous avez dû souffrir. » Miss Eden reprit. « Cet homme vint à moi. Il me regarda longuement en souriant, et son sourire était plein de méchanceté, d'ironie, de barbarie. C'était le sourire que devait avoir le tortionnaire féroce, le bourreau haineux à qui on livre ligoter son ennemi pour qu'il le torture. Puis il parla enfin. Je vous fais grâce des compliments dont il m'accabla, et qui pour moi étaient comme autant de nouvelles blessures. Mais il ajouta, et ceci fut épouvantable. Je sais, Miss Ida, que vous me haïssez. Je sais que vous me regardez comme votre pire ennemi. Alors que si vous l'aviez voulu, j'eusse été votre esclave, comme je suis votre plus fervent adorateur. Je sais aussi que vous me combattez et cherchez à m'accabler. Enfin, je sais que vous pouvez beaucoup faire ou pour moi ou contre moi. Bref, j'ai besoin de prendre contre vous des garanties sérieuses. Il faut que je me garde. Je vais vous mettre dans l'impossibilité de me nuire. Permettez-moi de ne pas compter sur les sentiments affectueux que vous auriez pu éprouver pour moi, ni sur l'amour ardent que j'ai pu vous inspirer. La haine seule, à présent, parle chez vous. Donc, je dois m'adresser à toute autre chose qu'à votre tendresse, à votre souvenir, à ce qui est en vous. Je m'adresse cependant à votre cœur, à votre âme. Et je m'empare de ce qui emplit désormais votre âme, de ce qui la tient, de ce qui la charme, de ce qui seul fait battre votre cœur si tendre, si affectueux, si aimant, mais sachant aussi haïr de façon si farouche. Je prends votre enfant, votre darling. Le misérable, cria Paul Imbroquet. Miss Eden reprit. Cet homme ajouta. La femme est mon ennemi, mais je tiens la femme par la mère. Et je suis maître de la mère par l'enfant. Il prit dans mes bras engourdis et impuissant ma fille. La pauvre petite, ayant cet instinct des enfants qui leur fait reconnaître immédiatement ceux dont ils sont aimés et ceux qu'ils doivent craindre, était prise de frayeur. Elle pleurait. poussait des cris épouvantables, cherchait à se retenir à moi de ses petites mains, hélas, guère plus fortes que les miennes, ses petites mains qui savaient déjà si doucement répondre aux caresses de sa maman. Cet homme la saisit, la tint dans ses bras brutalement. « Adieu, Miss Ida, » dit-il, « encore une fois, je suis maître de vous. » Et il partit. Miss Eden sanglotait. Paulin Broquet, silencieusement et très ému lui-même, la regardait pleurer. Après quelques minutes, il prit doucement la parole. « Je ne vous demande pas le nom de ce misérable qui lutte avec une femme et emploie de tels moyens. Je ne puis le nommer. » Paulin Broquet reprit. « Je vous demande seulement si vous avez revu votre enfant. Non, jamais, jamais, hélas, jamais. » Miss Eden continua. « Cependant, je sais que ma fille est vivante, qu'elle grandit, qu'elle devient de plus en plus belle et charmante. Comment savez-vous cela ? Je reçois de divers points du monde de temps en temps une lettre me donnant des nouvelles de Darling, me faisant part de ses progrès, hein ? Car cet homme m'a fait savoir que s'il avait besoin de ma fille comme otage, il ne voulait nullement faire souffrir cet enfant. C'est bien. Darling est élevé comme doit être un enfant de son rang, selon la fortune de ses parents. L'avenir qui l'attend, la place qu'elle occupera dans le monde. Très bien. Vous ne savez pas où, dans quelle partie du monde ? France, Angleterre, Amérique ? Non, je ne sais rien. Peu importe, d'ailleurs. Il y a longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de votre fille ? Miss Eden hésita quelque peu à répondre, puis elle dit « Non, pas très longtemps. » Je ne puis préciser à jour fixe, mais il n'y a pas longtemps. Et elle ajouta « On me fait parvenir avec les renseignements sur la santé, la croissance, le poids de l'enfant, une photographie. Vous avez vu l'autre soir dans la salle à manger un portrait d'elle, fait il y a 4 ans. J'ai admiré la beauté de la fillette. Voici un portrait qui m'est parvenu il y a quelques mois. Si récemment ? Oui, bien. » Paulin Broquet prit la photographie que lui tendait Miss Eden. Il la regarda longuement, l'étudia comme s'il cherchait à y découvrir un sens secret, une énigme, ou comme s'il voulait graver en sa mémoire les traits adorables de l'enfant. « Oui, » dit-il enfin. Il était à craindre que ce misérable ne traitât mal l'enfant. Cela n'est pas. C'est heureux. Il était également à supposer que ce forban vous transmit le portrait d'un enfant qui ne fut pas le vôtre. Cela n'est pas non plus. On ne peut s'y tromper. La ressemblance entre elle et vous est trop grande. Pourquoi supposez-vous qu'on ait pu me donner le portrait d'une fillette qui ne fut pas la mienne ? Pour que vous ne puissiez la reconnaître si le hasard la mettait en votre présence. C'est vrai. Si je comprends, Miss Eden, si je devine votre caractère, je crois qu'en vous réveillant de ce sommeil léthargique dans lequel ce misérable vous avait plongé pour accomplir son forfait, vous ne vous êtes pas attardé en inutiles cris de douleur, en lamentations vaines, non. Vous vous êtes aussitôt mis en campagne et vous vous êtes élancé éperdument à la recherche de votre enfant. Miss Eden déclara, « Oui, c'est cela. Oui. » Ma vie est vouée à la recherche de Darling. » Alors elle ajouta, « Comme je ne crois pas au hasard qu'on ne fait pas naître, je vais où mon instinct me pousse. Comme la voix du sang ne parle que dans les romans, et qu'ici nous sommes dans la vie réelle, je ne compte pas sur un appel de cette voix à effet de théâtre, que l'on n'entend que très difficilement. Je compte plutôt sur mes yeux, sur la ressemblance. Je cherche à voir le plus d'enfants possible. Dans toutes les villes du monde, je parcours les squares où jouent les enfants. Je vais à la sortie des écoles. Je suis allé dans des bourgades, dans des villages où l'on confie les enfants à des nourrices. Et vous n'avez pas rencontré la trace de Darling, non. Alors je suis entré au cirque. On mène les enfants au cirque. Il est certain que ma fille serait, comme tous les enfants, conduite au cirque. Et ainsi, en acrobate, je parcours le monde. » Pendant que tous les yeux sont attirés vers la plus belle femme de l'univers, évoluant sur son trapèze, Miss Eden, du haut du cirque, regarde, fouille dans le public, cherche son enfant, espère qu'elle reconnaîtra les grands yeux bleus de Darling, le sourire de Darling, et les petites mains applaudissant la gymnasiarque, les petites mains qui savaient déjà si tendrement caresser la maman disparue. Et voilà pourquoi je suis Miss Eden. Paulin Broquet s'est élevé. Madame, vous avez bien voulu témoigner au simple détective que je suis, assez d'estime et de confiance, pour lui révéler la part la plus douloureuse, la plus touchante de votre vie. Lui seul m'a paru digne de cette confiance. Merci. Je vous disais dernièrement qu'une femme, une femme rousse, était entrée dans ma vie malgré moi. Aujourd'hui, j'entre dans la vie d'une femme brune. Je ne suis plus la femme brune. À quoi bon ? Je n'étais brune que pour que Paulin Broquet ne me reconnût pas. et j'ai avoué à Paulin Broquet que j'étais la femme rousse. Tenez, cher ami, finis ce personnage. J'enlève ses cheveux de deuil, ses cheveux attristants, et je reprends ma natte de soleil. » D'un mouvement brusque et cependant gracieux, elle défit la perruque qui couvrait ses cheveux. Ce fut alors comme si tout à coup vraiment un rayon de soleil était entré dans la chambre, comme si une cascade d'or chaud roulait sur les épaules de Miss Eden. « Voilà, dit-elle, voilà la femme rousse. » Elle secoua la tête, s'ébroua pour ainsi dire, et sur son dos, sur ses épaules, s'étala un manteau d'or souple, comme jamais reine n'en eut de pareil, comme celui dont s'enorgueillissait Hélène, Hélène qui mérita que le peuple le plus intelligent, le plus artiste, le plus philosophe du monde antique combattit pendant 10 ans pour sa chevelure blonde. Puis, élevant les mains, courbant les bras, elle ramassa ses cheveux, comme font les moissonneurs pour une gerbe de blé mûr. Elle les ramena en avant, les tordit, et en 2 tours les assura sur sa tête au moyen d'une longue épingle d'or. Paulin Broquet avait suivi, les guettant en artiste, ses mouvements charmants. Quand Miss Eden revint à lui, il dit « C'est donc, madame, dans la vie d'une femme adorablement blonde, qui reste notre femme rousse, que je suis entré. Laissez-moi vous dire que j'ai, dans le grenier de Zulma où j'allais stupidement finir, contracté une dette sacrée envers la femme rousse. Je sais maintenant comment non m'en acquitter envers elle, mais lui montrer ma reconnaissance. Qu'allez-vous faire ? Demanda vivement Miss Eden. C'est ma part de secret, répondit-il, mon chapitre de mystère à moi, que plus tard Miss Eden pourra connaître. Il s'inclina, prit la main que lui tendait Miss Eden, et très galamment, mais très respectueusement, en baisa le bout des doigts, comme pour sceller le nouveau pacte qui venait de lier leurs 2 grandes âmes. Comme pour la Broquet se retirait, tout à coup il s'arrêta. « Miss Eden, fit-il tout bas vivement, nous n'étions pas seuls ici. Miss Eden tressaillit, pas seul, que voulez-vous dire? Quelqu'un nous écoutait. Impossible, si. Ou alors c'est un domestique qui passe, Big, qui fait une ronde. » Mais Paulin Broquet s'écria, « Nous allons voir, vous permettez. » Sans plus attendre, il se dirigea vers la porte opposée à celle par laquelle il allait sortir. Il souleva la tenture, ouvrit brusquement la porte, tourna les boutons électriques qui se trouvaient près du battant, donna de la lumière et entra dans la pièce. Miss Eden, inquiète, le suivait. Paulin Broquet fit le tour de la pièce, chercha, regarda partout. Il passera dans une autre pièce, parcourut ainsi tout l'étage. « Oui, oui, » répétait-il, « quelqu'un était ici. » Miss Eden le suivait, sentant croître son anxiété. Paulin Broquet donnait vraiment l'impression du chien de chasse lancé sur la piste. Qui sait que le gibier est là, tout près, qu'il ne le voit pas, mais garde la certitude que son instinct n'est pas en défaut. Il revint dans le boudoir. En soulevant la portière, sa main s'attarda sur le mur assez large auquel s'appuyait la double porte. « Là, » fit-il, « à l'instant là, il y avait quelqu'un. »« Ici ?» s'écria Miss Eden. « Il s'appuyait là, contre ce mur. La place est encore chaude. Je peux me tromper. »« C'est de là qu'on nous a épiés. Écoutez, c'est impossible. Il a fui quand nous nous sommes levés. Mais sur la tenture, la tiédeur de son corps, la moiteur de sa respiration sont demeurées. Et pour moi, qui ai l'habitude de ces constatations, cela suffit. » Miss Eden posa à son tour la main sur le mur. « Je ne sens pas, » dit-elle. « Mais ici, il n'y a ni cachette ni porte secrète. Nous avons fait le tour de l'étage sans rien voir. D'ailleurs, mon métis se trouve dans l'escalier. Il aurait aperçu quiconque eût voulu passer. Nous allons l'interroger. » Miss Eden sonna, le métis indo-canadien parut. Dans une langue que Paulin Broquet ne comprenait pas, dans la langue que parlent les Indiens du nord de l'Amérique, Miss Eden l'interrogea. Le métis répondit et secoua la tête. « Vous voyez, » fit Miss Eden, « il affirme qu'il n'a pas bougé de l'escalier depuis que nous sommes ici et qu'il n'a vu personne entrer. » Paulin Broquet regarda longuement le métis. Il plongea ses yeux gris dans les yeux noirs de l'Indo-Canadien, voulant lire en cet homme. Puis il dit à Miss Eden, « Cet homme dit la vérité. J'ai tout lieu de le croire. Oui, il ne vous trahit pas. Non. De lui, je crois pouvoir répondre. Sa femme était la nourrice de ma fille. Elle est morte de chagrin quand on m'a volé, darling. Bien, bien. Alors admettons que j'ai eu un moment d'hallucination, que je me suis trompé. Permettez-moi, Miss Eden, de prendre congé de vous. » Miss Eden accompagna Paulin Broquet jusqu'à l'escalier où le métis devait le remettre à Big, le colosse nègre. « Big, lui dit-elle, va vous conduire jusqu'à la voiture qui doit vous ramener chez vous. » Elle demanda à Big, « Tu as bien chargé les pièges ?»« Oui, maîtresse, tous bien chargés. » Le nègre appuya, pas moyen de passer sans faire partir piège. Donc, conclut Miss Eden, cela vous donne, cher ami, une certitude de plus que personne n'a pu nous épier, nous entendre, que personne ne se trouvait dans la maison. Paulin Broquet s'inclina sans dire mot, mais il gardait au fond ce pli qui chez lui indiquait un souci, une inquiétude. Puis il se retira. Miss Eden alla sur le balcon qui ornait l'étage pour lui dire au revoir une dernière fois. Paulin Broquet, dans l'auto qui l'emportait, maintenant très anxieux, se demandait « Miss Eden savait-elle que quelqu'un était là à nous épier ? Alors tout cela ne serait que comédie ? Tout cela ne serait que pour rouler, Paulin Broquet ? Ou bien Miss Eden ignorait-elle vraiment la présence de cet homme ? Mais alors, comment cet homme a-t-il pu pénétrer dans cette maison si fortement gardée ? Comment a-t-il pu se cacher ? Où ? Quand je le cherchais ? Cet homme, qui est-il ? Que veut-il ? Pourquoi se trouvait-il là ? Paulin Broquet pensa. Peut-être devrais-je tout à l'heure revenir avec mes hommes surveiller la villa, voir qui en sort. Mais aussitôt il se dit « Bon, laissons les choses aller comme ça. » Miss Eden cependant m'a paru sincère en me faisant son récit. Si elle est aussi bonne comédienne que belle femme, et si elle m'a menti, laissons-lui croire que je suis roulé. Je verrai bien le profit qu'elle espérait tirer de cette manœuvre. D'un autre côté, si elle ignorait la présence de cet homme, elle ne court aucun danger. Elle est prévenue maintenant, elle saura se garder, et elle est de taille à se bien défendre. Rassuré, Paulin Broquet se carra dans le fond de l'auto et se laissa emporter jusque chez lui. Miss Eden attendit que l'auto dans laquelle se trouvait Paulin Broquet eût franchi la grille du jardin et que Big, ayant fermé cette porte, revint. Alors seulement elle se décida à quitter le balcon. Elle se dirigea vers le fumoir où elle venait, en compagnie de Paulin Broquet, de passer quelques instants si divers, tous de sentiments et aussi tous d'inquiétude. Elle congédia son fidèle métis qui se retira pour aller prendre quelque repos. Miss Eden souleva alors la portière du fumoir. Mais elle resta clouée sur le seuil, tout l'être comme glacé de stupéfaction. Un homme était à demi allongé sur le canapé que tout à l'heure Miss Eden occupait.